Fadjet, c'est l'été en Lorraine. C'est un des rendez-vous de l'été attendu à Ludre. C'est les dimanches au kiosque. Ils reviennent dès le 6 juillet pour une 16e édition. Et pour nous en parler, nous avons au téléphone Sandrine Gerber. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes conseillère déléguée à la petite enfance et aux animations. Revenons un peu aux origines de cette tradition. Maintenant, les dimanches au kiosque, comment c'est venu à Ludre ? C'est Martine Keuch, qui était à l'époque adjointe aux fêtes et animations, qui a mis ce rendez-vous en place. Et là, nous sommes à la 16e édition. C'est un rendez-vous très attendu par les Ludriens, mais aussi par tous les habitants, on va dire, de la métropole et plus, parce que nous avons même des gens de Meuse et des Vosges qui viennent. Donc, 5 dates cet été, donc à partir du 6 juillet. Il y aura même une date tout début septembre, le 7 septembre précisément. Comment avez-vous construit cette programmation 2025 ? Tout au long de l'année, je reçois des mails des groupes qui souhaitent participer à ces dimanches au kiosque. J'essaie de faire une programmation diversifiée dans leur genre de musique, bien évidemment. Cette année, j'ai 4 nouveaux groupes. Quelquefois, je prends des groupes qui m'ont plu, je les fais revenir, mais là, c'est 4 nouveaux groupes. Il y aura bien sûr le dernier concert qui est toujours réalisé par notre régional de l'État, puisqu'il s'agit d'un Ludréen pure souche, Nicolas Henry, qui nous aide tout au long de l'année à faire nos manifestations pour la vie. Voilà, le groupe Paradox, hein, c'est ça. Le groupe Paradox, exactement. Et vous ouvrez donc cette 16e édition avec le 6 juillet Charles Després and the Midnight Creepers, c'est ça ? Voilà, c'est un groupe qui va reprendre les standards du blues des années 30. Et le 20 juillet, alors, qui on retrouve ? Le 20 juillet, on retrouve John, en fait c'est juste des initiales, J-O-N. C'est un concert qui sera placé sous le signe du rock des années 60 à 70, avec des reprises de groupes emblématiques britanniques et américains. Les dimanches au kiosque de l'été, c'est aussi le 3 août avec Soul Stuff. Oui, c'est ça, un groupe qui allie jazz, blues et soul, et qui nous fait revivre les artistes légendaires de ces années-là. Il y aura 8 musiciens. 8 musiciens. 8 musiciens. Fin août, le 24 août, on remontera dans les années 60. Oui, avec Atoms. Eux, ils seront 9 musiciens et chanteurs placés donc pour nous faire voyager sur un répertoire de variétés françaises et internationales, incluant ABBA, Johnny, AC/DC. Le public sera évidemment invité à reprendre tous les grands refrains. Et le 7 septembre, c'est donc le régional, hein, c'est Paradox. Exactement, ce sera Paradox. Lui, c'est un répertoire 100% francophone. Qui jouera des textes et des mélodies, des tubes francophones, voilà. Un mot sur le lieu où se déroulent ces dimanches au kiosque, le parc Sainte-Thérèse. Oui, alors le parc Sainte-Thérèse, à la base, c'est un ancien potager des hospices de Sainte-Thérèse. Il a été racheté par la ville en 2003 et il a donc été transformé en un véritable îlot de nature au plein cœur de la ville. Voilà, il y a des arbres, des massifs, une petite mare, des zones d'ombrage. Donc c'est l'idéal quand il y a des chaleurs l'été pour les kiosques. Il faut préciser aussi que tous les concerts sont gratuits. Les concerts sont évidemment gratuits. Et pour tous les concerts, il y a une petite buvette qui est tenue par les associations sportives ludréennes avec vente de boissons et de glaces et de crêpes quelquefois. La ville installe des bancs. Évidemment, on n'en a pas assez pour tout le monde parce qu'il y a énormément de monde. Donc, on invite les gens à venir avec des petits fauteuils pliables ou des plaids et se mettre où ils veulent. Avec le concert du 7 septembre, s'achèvera cette 16e édition des Dimanches au kiosque, mais les animations ne s'arrêtent pas là. En plus de ces dates, on aura donc la fête nationale le dimanche 13 juillet, place Ferry de Ludre, avec un concours de pétanque à partir de 14h, la soirée dansante à partir de 20h avec buvette et restauration, et pour clôturer cette journée, le feu d'artifice à 23h qui sera tiré du parc Sainte-Thérèse. Nous avons également la journée du patrimoine qui se déroulera le mercredi 20 août à 14h30 avec une histoire pour la commune. Et nous aurons également le vendredi 22 août à 19h, un soir, une commune sur l'île. Tout au long du début de l'été, là, à partir du 17 juin jusqu'au 9 juillet, il y aura une exposition au parc Sainte-Thérèse sur le thème 10 arbres, 10 pays, avec donc c'est des pancartes, des panneaux qui sont installés dans le parc Sainte-Thérèse. Voilà, on retrouve tout le programme et toutes les animations sur le site de la commune de Ludre et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Exactement. Sandrine Gerber. Je vous en prie, merci à vous et merci à Fadjet.